cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudaha ma ba'd. Ma huwa al-asl al-thani min hadhihi al-usul al-sitta al-azima? Tafadhali. Al-ijtima'u fi ad-din. أحسنت زد وتحريم التفرق فيه ما الدليل على هذا الأصل أحسنت قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومن السنة تفضل على وجوب الاعتصام أو وجوب الاجتماع تفضل نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره وفي الحديث الآخر المؤمن للمؤمن كالبنيان وبين شيخ ابن عثيمين أن الاختلاف على أنواع فيه الحق يسوغ الاجتهاد فيه أو في مسألة فربما يقع اختلاف عندهم دليل لكن يختلفون على الفهم نعم اختلاف يقع كثيرا بين أهل السنة أنهم يختلفون لماذا؟ لأن كل مجتهد له دليله أو ربما نفس الدليل ils ont le même دليل لكن ils divergent لماذا par rapport à la compréhension أو ils peuvent diverger لماذا لأن un tel parmi les savants pour lui le hadith il est ضعيف مثلا et l'autre savant pour lui il est صحيح ça fera une divergence فمثل هذا لا يضر ما الدليل أنه لا يضر نعم قصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا إلى بني قريظة فبعضهم إلى في الصلاة avant d'arriver à بني قريظة et d'autres صحابة ils ont fait الصلاة quand ils sont arrivés لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم حتى يصل إلى أو العصر إلا في بني قريظة فاختلفوا بعضهم ils ont compris que si l'heure du Asr allait arriver, même s'ils ne sont pas arrivés, ils doivent faire salat, et wa'aduhum, ils ont compris, annahum, ils ne font pas salat tant qu'ils ne sont pas arrivés à Bani Qurayza. هذا اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد. لماذا لأن ينوج أي tu peux comprendre le dalil de telle façon ou d'une autre. فالعلماء يختلفون. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tous la même compréhension. Et هذا, on a vu, يقع كثيرا في مسائل الفقه. هناك اختلاف آخر وهو اختلاف لا يسوغ أي في هذه المسألة لا يسوغ الخلاف أي on a pas le droit de diverger لأن النص est واضح أو يجمع الصحابة في المسألة يا verset clair un hadith clair personne a le droit de délaisser le haq et celui qui délaisse le haq il s'éloignera de ce haq par rapport à la مسألة Ça peut être du kufr ou l'ayadu billah, ça peut être une bid'a, ça peut être du fisq. À la kulli hal, al-ulama yandurun et yahkumun ala hada shakhs. Par rapport à son délaissement de ce délit. Wa hunak ikhtilafun akhar al-ulama yadhkurunah wa huwa ikhtilaf al-tanawwu'. Ikhtilaf al-tanawwu'. On donne un mithal ahsan. أدعياء الاستفتاح في الصلاة il y en a plusieurs فسي un frère il fait الصلاة et il commence الصلاة avec ce dua et un autre avec un autre dua tant c'est ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر على أحد منهم في هذا مفهوم ça s'appelle اختلاف التنوع أي toutes les مسائل مثلا في الأدعية أدعية افتتاح الصلاة tout ça c'est venu عن النبي عليه الصلاة والسلام أي النبي صلى الله عليه وسلم il a fait de plusieurs façons enfin tu choisis n'importe quelle façon tant que le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a fait c'est tab هذا الاختلاف il n'y a aucun mal Et fil haqiqa, c'est pas un ikhtilaf, li anna al kul suivent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hakada fi salat al-layl. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait qiyam al-layl de plusieurs façons. Tant que cette façon elle est fi sunnah, ça fait aucun mal. En apparence, c'est un khilaf, li anna ton frère, mathalan, il fera 11 rak'a et toi t'en feras mathalan que 9. Lakin thabata hadha wa hadha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc en apparence c'est une divergence, lakin les deux manières le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a faites. Hadha il appelle ikhtilaf at-tanawwu'. Et toutes les façons elles sont venues dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fala shay fi hadha. Donc on a ikhtilaf at-tanawwu'. C'est ce qu'on vient de citer, on a ikhtilaf at-tadad. Aïe, un des deux qawls il est à la sawab et l'autre c'est une erreur. Thumma, ikhtilaf al-tabad, yunzar. Est-ce que c'est un khilaf sa'ir amla? Comme on a cité auparavant. Ala kulli hal, hadha al-asl, il est muhim. Al-i'tisam, bihablillahi azza wa jal. Aïe, bi kitabihi. والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واليوم نقرأ إن شاء الله تعالى الأصل الثالث قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الثالث إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي الأمر أوبير أو غوفرنور. Cheikh al-Islam, il nous montre, et هذا الأصل, أن من تمام الاجتماع, ce rassemblement qu'il a cité dans le deuxième fondement, il ne pourra pas se concrétiser إلا بأمير. Il faut quelqu'un à la tête de cette jama'a. فلهذا, Allah subhanahu wa ta'ala, يقول في كتابه, عز وجل, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ta'at Allah wa ta'at Rasul, c'est les sources sur lesquelles on se rassemble. Al-Qur'an ou Sunna, comme on l'a vu auparavant, et la bout min amirin, min qa'idin, pour revenir à lui. Et c'est ça, haqiqatul jama'a. Fala jama'a illa bi imam. Falihada qal, inna min tamam al-ijtima' as-sam' wa ta'a liman ta'ammar alayna walau kana abdan habashiyan. Même si c'est un abd habashi, on est obligé de lui obéir fi ta'atillahi azza wa jal. Qala fa bayyana Allahu hadha bayanan shai'an kafiyan bi wujuh min anwa'il bayan shar'an wa qadran. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, il va citer les preuves. Ay, mina al-Qur'an wa mina al-Sunnah, et kadhalik al-waqi', l'expérience, si tu lis les livres d'histoire, tu comprendras ce asl. أن لابد من أمير. قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. صحيح. Ce fondement الآن, la plupart de ceux qui prétendent être à la علم, ils le connaissent pas, ou s'ils le connaissent, ils le خالفوا. قال شيخ الإسلام فكيف العمل به. أي pour ceux qui le connaissent pas, comment il va appliquer هذا alors qu'il connaît pas ce أصل. Et كثير من الناس نعم, ils connaissent pas ce genre de أصول. حتى بعضهم ربما تلسيت هذا يستغرب. Il comprend pas. Il te dit, mais pourquoi il a fait telle injustice, il fait telle chose, est-ce qu'on va se taire? لماذا لأنه أولا il le connaissait, il connaissait pas ce fondement. ثانيا il faut qu'il le comprenne et il faut qu'il s'écarte de tout ce qui lui a fait du mal. لأن بعض الناس الآن ولو si tu le cites, il a du mal à comprendre. لماذا لأنه تأثر بأعداء الله عز وجل, qui combattent ce genre de أصول. Pour lui, la solution, c'est de se rebeller. Pour lui, la solution, c'est le changement. Et il ne regarde pas Adillat al-Kitab ou al-Sunnah. C'est pour ça que dans leur révolution, il n'y a aucune baraka. Aucune baraka. Fasadun, qatl, qital, safk dima, C'est ça les conséquences de leur révolution. Effusion de sang, division, meurtre et autres. Insécurité, bien sûr. Ce fondement, on doit faire des efforts jiddan pour le propager. C'est un fondement parmi les fondements de notre din. Surtout à notre époque. Comment il va appliquer, ne pas se révolter, comprendre qu'il y a un mal énorme, il ne connaît pas le asl. Et ce fondement, il faut qu'on le démontre avec des preuves. Il parle sans preuve. On ne doit pas répondre à un mal par un mal, parler avec ignorance. Là, on parle bihaq. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, dans le sharh, il va citer les preuves. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ولو كان من تأمر علينا عبدا حبشيا tant que c'est lui le gouverneur, c'est un muslim, فله السمع والطاعة. On n'a pas le droit de se révolter, de se rebeller, de le critiquer, de l'insulter. Tout ça, la yajouz. Bainana wa bainahu al-masiha wal-haq wal-du'a. Amma être la cause de fitan, hada la yahsul illa min al-sufaha, min al-juhal. Ça, c'est les ignorants qui ne comprennent pas ça. Ils suivent leur passion et ils appellent ça courage, ils appellent ça révolution, se libérer. Et tout ça, c'est une khutwat al-shaytan. C'est pour ça que quand il y a une révolution, ils sont tous perdants. Din ou dunya. Ils se font du mal dans leur din et kadalik dans leur dunya. Et en général, ils regrettent. Lakin al-muslim yata'ammal, avant de regretter, il apprend son din et il applique. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا. Les preuves, elles sont nombreuses fi hadha al-bab. C'est pour ça que Cheikh al-Islam قال بيانا شائعا كافيا. Et c'est clair. Les preuves, elles sont nombreuses pour celui qui veut le haq. Et al-ulama, ils ont écrit des kutub de rasail fi hadha. Et ils ont cité les preuves du Coran. Cheikh ibn Uthaymeen, ils vont en citer quelques-unes. Ils ont cité les preuves, min as-sunnah. Ils ont cité aqwal al-ulama. Ils ont cité les méfaits, les mafasid, de se rebeller, des révoltes. C'est clair. Lakin, la question qu'on se pose, pourquoi ba'd an-nas, avec toute cette clarté, c'est un fondement. L'unanimité des savants, naqalahu al-imam an-nawawi rahmatullah alayhi fi sharh sahih muslim, al-ijma' أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم ولو ظلم وفجر même s'il est injuste, même s'il appelle à la perversité, tant que ça reste un muslim, لا يجوز الخروج عليه. Pourquoi? لأن se rebeller, ça amènera une injustice plus grande et des perversités beaucoup plus grandes. لكن la question qu'on se pose, لماذا بعض المسلمين ils comprennent pas et ils s'entêtent à se rebeller? الجهل. Ils sont loin de l'aqidat al-sunnah wal-jama'ah. Et il y a des obstacles entre eux et l'aqidat al-sunnah wal-jama'ah. Et le plus grand obstacle qu'il y a entre eux et cette aqidat, c'est le kuffar. Ils leur ont fait croire que la démocratie, la liberté, c'était de se débarrasser des dictateurs, de faire des révolutions pour être libre. Et كثير منهم تأثر. Dans les écoles, sur internet, les médias, dans la rue, la télévision, les journaux, ta'athra bihada, et ils pensent que c'est ça la solution. Limada, li'annahum, ils sont loin de l'ulama, et ils sont loin de kutub ahl al-ilm. Ma'anna la mas'ala, comme on a cité l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi, il a cité l'ijma'i. Normalement, on n'a pas divergé bihada, l'unanimité des savants. Lakin, al-jahl al-hawa. Kadhalik, li'anna kathir min al-nas ta'atharu bid-dunya. Et ils pensent que ce amir, il veut lui enlever son risque. Donc il fait tout pour se débarrasser de lui. Et il pense que s'il se débarrasse du Amir, il aura plus d'argent, plus de moyens, plus de facilité. Alors que c'est faux. C'est totalement faux. Il méditerait, faqat. Même s'il ne connaisse pas les preuves du Coran et de la Sunna, il méditerait sur les pays qu'ils ont subi ces révolutions et ils verraient le résultat, ça leur suffirait. Est-ce que les pays où il y a eu les révolutions, est-ce qu'ils sont dans une meilleure situation? Niveau de din, c'est la catastrophe. Économiquement aussi, l'insécurité, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils n'ont rien gagné, ni fait de dunya, ni dans leur din. Ben, c'est des péchés. Enfin, ça a été la cause en al-kuffar tasallatu alayhim, shayatin al-ins wal-jin. Et le résultat, on le connaît tous. Ma'ahada, tu trouves, wa'ad, as-sufaha, al-juhad, ils sont fi amn, wa aman, et fi khayr, et ma'ahada, ils appellent ahada. Et ma'ahada, li annahum, ils connaissent pas réellement les conséquences. Et Shaitan, il leur fait croire que eux, c'est pas pareil. Vous allez réussir, c'est mieux. Lakin, quand ils seront fil fitna, et quand ils goûteront à ce que leurs propres mains ont commis, vous verrez, Anahum, ils regretteront. Les Anahum, ils n'ont pas les épaules pour Had. Même si ça serait légiféré, ils n'ont pas les épaules. Les Anahum, ils manquent de patience, ils manquent de tawakkul, ils manquent de ilm. Rabbama wahad minhum l'an, si il a une coupure d'électricité une demi-heure, Rabbama, il ne patiente pas. Une coupure d'eau une heure, il ne patiente pas. Sahih. Ba'duhum, s'il ne mange pas une journée ou deux jours, là, il se bat. الحقيقة الشيطان يريد يبيز الأمة لأن pour rassembler la أمة il faut un أمير. الشيخ ابن عثيمين va nous démontrer أن sans أمير c'est la فوضى. Tout le monde parle, tout le monde veut faire, tout le monde veut se venger, tout le monde. Il n'y a plus ce أمير qui met des règles. لأن بعض الناس ils ont un manque de taqwa. Ils ne peuvent pas obéir aux règles du Coran et de la Sunna tout seul. Si ça leur est imposé, ils obéissent. Et ça montre hikmato had al-amir. Il a la sagesse pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré qu'on ait un amir et qu'on doit lui obéir. Il y en a beaucoup de nas, là ils n'écoutent pas ad-du'at ila Allah, ils n'écoutent pas le Coran, ils n'écoutent pas la Sunna. Lakin bil amir, ils n'ont pas le choix. Fa imma t'écoutes de ta propre volonté et t'ahtasib avec une bonne intention, t'es récompensé. Imma tu obéis avec la force. T'as pas le droit de tuer, t'as pas le droit de voler, t'as pas le droit de transgresser. Si tu fais ces choses, t'es puni. La punition du Coran et de la Sunna, ça les touche pas. Les anahum, ils ont un manque de foi. Ou ba'duhum, ils ont pas l'iman du tout. Et ba'duhum, fala bud min quwwat al-amir. Wallahu al-musta'an. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen. أما بيانه شرعا ففي كتاب الله تعالى والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. On a deux choses. On a البيان الشرعي أي les preuves du Coran et de la Sunna. Et on a البيان القدري سيأتي معنا أي ce qu'on voit, ce qu'on vit. Première chose, il cite les preuves du kitab et de la Sunna. قال ففي كتاب الله تعالى والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن بيانه في كتاب الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية وقوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Le premier verset تستفيد منه أن الله سبحانه وتعالى il a cité أولا طاعته عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أي القرآن والسنه et ensuite ولي الامر. Ça nous montre ان الطاعه ولي الامر c'est par rapport aux deux sources citées précédemment. Ama si ce amir il appelle à une ma'siya fa yajuz, on n'a pas à lui obéir. Est-ce que ça implique qu'on se révolte et les tueries, les révolutions? Là tu obéis pas, wa tasbir. C'est pour ça que dans le deuxième verset Allah subhanahu wa ta'ala قال واصبروا ان الله مع الصابرين. Tout ça يحتاج الى صبر. Nous, en tant qu'Ahl al-Sunnah, on ne dit pas que Al-Umara, ils sont parfaits. Il n'y a pas d'erreur. Tout est bien là. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses à changer. Il y a des choses mauvaises. Lakin, il y a une façon. Ce n'est pas avec les révoltes. Ce n'est pas avec les manifestations. Et parmi ces choses, al-sabr. Al-sabr wa mu'alajati al-umur bi al-turuq al-shar'iyya. En revenant à Ahl al-Ilm, en faisant du'a, al-nasiha, Chacun se corrige, chacun se réforme, et inshallah il y aura du khayr. قال وقوله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et ça englobe tous les musulmans. On n'a pas le droit de se diviser. Qui c'est qui nous autorise de nous diviser avec notre gouverneur et de se rebeller, de manifester ثم والعياد بالله des tueries, des grèves? Qui c'est qui nous autorise ça? Allah subhanahu wa ta'ala قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ne sois pas une cause de division, akhil muslim. Et parmi les causes de division, se rebeller contre le gouverneur, ça divise tout le monde. قال ومن بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Ce hadith, il démontre أن الأمير المسلم لا يجوز الخروج عليه على كل حال. Même si t'es éprouvé, même si t'es subi une injustice, même s'il fait du mal, il appelle au mal, tant que ça reste un muslim, فلا يجوز الخروج عليه. إلا أن تروا كفرا بواحا. والكفر البواح أي الواضح. الصريح. Aucun doute que c'est du kufr. قال من الله فيه برهان. Et vous avez un délit à هذا. لأن كثير منهم c'est des rumeurs. بعض الناس ils propagent des rumeurs. أن tel roi, tel président, il a fait, il fait. Et c'est que des rumeurs, il n'y a aucun burhan. Tant que c'est un muslim, le asl c'est que c'est un muslim. ولا يجوز أن يحكم عليه بالكفر avec des rumeurs. Avec des doutes, avec des ondits, sans revenir à Ahl al-Ilm. Les Anna, c'est un muslim biyaqin, on n'a pas le droit de lui enlever ce islam avec des doutes. Fal yaqin la yazoulu bi shak. Ça, c'est une règle, inda Ahl al-Ilm. Anna, la certitude, on n'a pas le droit de l'enlever avec des doutes. Là, une certitude, tu l'enlèves avec une autre certitude. Wal ulama, ils démontrent annahu, même si c'est un kafir, et c'est démontré que c'est un kafir, et les ulama, ils ont démontré que c'est un kafir, لا يجوز الخروج عليه إلا بشروط كافيك دي كونديسيون من قدرة واستطاعة et que ça n'emmène pas un mal plus grand et que ce خروج ça implique pas que des muslimines ils s'entretuent entre eux et ils meurent. Toutes ces conditions كثير من الناس ils négligent بل بعضهم ils négligent la première condition que ça soit un kafir. Et ولله الحمد نحن بلدان المسلمين الآن فالعلماء démontrent que les rois, les présidents, c'est des musulmans. Ils ont des faiblesses, ils ont des choses, mais tout ça, ça se règle avec le conseil. Et العلماء ولله الحمد conseillent et la patience. أما بعضهم il veut changer l'amir et il s'oublie lui-même. Et nous, on vit à une époque الآن أن les révolutions et les manifestations, c'est pas pour dire. C'est soit pour la démocratie, c'est du kufr. Enfin, il reproche une chose au amir et lui, il veut une chose encore pire. Soit c'est pour dunya, et il n'y a pas de travail, il y a un manque d'argent. Soit c'est pour des choses personnelles, ils ont subi des injustices. C'est pas pour din. Abden. Bel, ceux qui font le khuruj, ils critiquent ceux qui suivent sunnah. Et ils les accusent d'être avec les gouverneurs, de recevoir de l'argent, de ne pas être courageux, etc. C'est pour ça qu'il n'y a aucune baraka. Ils se font du mal qu'à eux-mêmes. Et si une personne elle subit une injustice à cause d'eux, فيوم القيامة, c'est le jour des comptes. قال شيخ ابن تيمين وقال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. تأمل هذا الحديث. إلى في الصحيحين. من رأى من أميره شيئا. Ça te montre, Abwalan, fais attention aux rumeurs. On dit, j'ai entendu, j'ai lu sur internet, aucune source. Et beaucoup de ces informations, c'est min al-kuffar. Awma an ta'athara bil kuffar, annahu il veut semer le désordre fi bilad al-muslimin. Man ra'a, c'est pas des rumeurs. Min amirik, de ton gouverneur, shay'an falyasbir. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit de se rebeller, de manifester? de faire le khourouj, des révoltes. Abadan. Falyasbir, patiente. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي. Et notre din, il est fondé sur regarder les masalih et les mafasid. النبي صلى الله عليه وسلم, c'est سيد الشجعان. C'est la personne la plus courageuse. مع هذا قال فليصبر. أما بعض الناس, il prétend être courageux ويهلك نفسه بنفسه. فنحن لا. Du courage avec du ilm et de la hikmah. Dans ce cas, si tu es courageux, patiente. Tu fais du mal à ton frère, et à toi-même, et à la Ummah, et au Amir, tout ça, cette personne, elle rendra des comptes, يوم القيامة. فليصبر. قال فإنه من فارق الجماعة. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre à nous ce qu'on doit regarder, nous, c'est le jama'a. Tu subis une injustice, tu as vu une chose, n'oublie pas le reste. Une personne a subi une injustice, il est capable de faire subir à des milliers de personnes des injustices pour soi-disant réparer la première injustice. C'est pas une hikmah. Ça rentre pas fil l'aql hada. Une injustice, si on peut la régler, on la règle. Si on peut pas, on patiente. On préserve ce qu'on a, cette jama'a. Ce amn, ce aman, cette sécurité, ce bilan. Amma pour venger wahed et on fait du mal à tout le monde. Fahada, c'est ba'id. قال من فارق الجماعة شبرا الشبر c'est une toute petite distance فمات فميتته جاهلية أي il meurt على هذا الحال أي il a خالف القرآن الكريم il a خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له حديث كذلك في صحيح مسلم. Tous ces hadiths sont sahih. Imma fil Bukhari, imma fil Muslim, imma dans les deux. Man khala'a yadan min at-ta'a, laqiya Allah yawm al-qiyama la hujjata lah. Fais attention, c'est pas quelque chose à prendre à la légère et on n'a pas le choix fi hada. Tu es obligé d'obéir à ton gouverneur tant qu'il t'appelle pas un péché. Amma si te dit de faire quelque chose qui contredit le Coran ou la Sunna, on n'obéit pas. Lakin sans se rebeller, sans appeler à la révolte, sans on commet des injustices là, on lui obéit pas et on patiente. Et celui qui peut faire le nasiha, il fait le nasiha. قال وقال اسمعوا واطيعوا وان امر وان امر عليكم عبد حبشي تقدم وقال عليه الصلاه والسلام على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصيه. تامل في الحديث على المرء أي أم أفهم على المسلم والمسلمة السمع والطاعة يدوف أبير إكوتي أبير أمير فيما أحب وكره dans les choses que t'aimes et que t'aimes pas sauf إلا أن يؤمر بمعصية sauf si il te dit de faire une معصية. ففي هذا الحال لا لماذا لأن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم البصر. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala fil ayah قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Il les a cités avant. أما في ولي الأمر il n'a pas cité الطاعة وأولي الأمر منكم. لماذا لأن طاعة الأمير c'est par rapport au طاعة الله وطاعة الرسول. قال فإذا أمر بمعصية فلا سمع فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها. Celui qui veut l'afia, qui veut salam, qui veut être préservé, il prend comme modèle les premières générations. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتكم هذه جعلت عافيتها. الخير, الهدى, العلم, il est dans les premières générations. La génération du prophète صلى الله عليه وسلم et de ses compagnons et ceux qui sont venus après lui. من السلف الصالح. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. Toutes ces fitnes que tu vois, النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها أن cette أمّة elle sera éprouvée des fitnes. حتى المؤمن يدّرى tellement que la fitna sera difficile. هذه مهلكتي. Hey, ce mu'min va penser que cette fitna, ça va être la cause de sa perte. Et cette fitna, elle s'arrête, une autre, elle vient. Le mu'min pense que ça va être la cause de sa perdition. Tu veux être sauvé et rentrer dans le jannah, fais tout pour mourir على هذا الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر أي عقيدة المسلمين وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. Deuxième chose, ce que tu aimes pour toi-même, tu le fais pour les gens. T'aimes pas être insulté, t'aimes pas subir des injustices, tu veux pas te faire voler, tu veux pas que ton honneur, tes enfants, ton sang y soient touchés. فهكذا les autres. Et ça englobe l'amir. Le amir, tant que c'est un musulman, est-ce que tu voudrais pour ton fils ou pour ton père du mal? Là, enfin, pourquoi tu le veux pour ce amir? Ce amir, c'est un père, kadalik. C'est un fils, kadalik. Il a des frères, il a une famille, il a des amis. Enfin, pourquoi être injuste? قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما. Et c'est ça le shahid. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاءه آخر ينازعه فضرب عنق الآخر رواه مسلم. Ça montre أن المسلمون doivent obéir. C'est un devoir d'obéir à ce amir. فإن جاءه آخر, si un autre veut prendre sa place, فضرب عنق الآخر. Ça, ça montre que ce changement à quoi ils appellent, il faut enlever ce amir, il faut le remplacer. Tout ça, ça ne fait pas partie de notre dîn. Que ce soit avec des élections ou autres. Tant que c'est un amir, il reste un an, deux ans, dix ans, cinquante ans, al-mu'min yasbir. Et on a des sources, nous, le hadith, il est sahih, muslim. قال وأما بيانه قدرا. Aïe, al-an, Cheikh Al-Uthaymeen, il a cité quelques preuves min al-Qur'an ou min al-Sunnah par rapport à ta'at wali l'amr. Et celui qui veut ziyada, et on a lu il y a quelques jours ma'akoum dans notre dors en arabe min kitab Shir Abdus Salam ibn Burjis rahmatullah alayh mu'amalatul hukam ala dhawi al-kitab wa sunnah. C'est un kitab nafis jiddan. Il cite des preuves min al-Qur'an min al-Sunnah sur comment se comporter avec le amir, avec le gouverneur muslim. Il cite ses preuves et il cite كلام أهل العلم. قال وأما بيانه قدرا فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها مجتمعة عليه معظمة لولاة أمورها منقادة لهم بالمعروف كانت لها السيادة والظهور في الأرض. À l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم et après lui, quand l'umma, ils étaient unis, la communauté, et ils obéissaient à leur gouverneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a facilité, il leur a ouvert les portes, l'islam s'est propagé. Comme قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال شيخ ابن عثيمين وقال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمير il doit tout faire pour appliquer ce genre de verset. لأن s'il applique شرع الله عز وجل فله التمكين كما قال عز وجل الله سبحانه وتعالى يمكنه ولا ينصرن الله من ينصره سينصر دين الله عز وجل ولو سيفون الخروج عليه ولو سيفون tout pour le faire du mal الله سبحانه وتعالى ينصره. فالأمير المأمور les deux ils doivent obéir à Allah عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Ce amir, s'il applique ces choses, إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقه وينصره على أعدائه. ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت وفرقوا دينهم وتمردوا على أئمتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيعة أي أحزابا دي غروب, نزعت المهابة من قلوب أعدائهم أي الخوف. Quand ils ont désobéi à leur gouverneur, ils se sont divisés. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Quand ils se sont divisés et ils se font du mal entre eux, ce musulman, il fait du mal à son amir musulman. Thumma, la division. Thumma, les tueries entre eux. قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ نُزِعَتْ الْمَهَابَةُ مِنْ قُلُوبِ أَعْدَائِهِمْ. أي الخوف. Ce kafir, il n'a plus aucune peur de, ce, de ces mu'minines. Il y en a, il sait, il les voit divisés entre eux. Ils se mangent entre eux. Enfin, il est à l'abri, il est en sécurité. Et hatta dans son cœur, il n'a plus aucune crainte. قَالَ وَتَنَازَعُوا فَفَشَلُوا وَذَهَبَتْ رِيحُهُمْ وَتَدَاعَتْ عَلَيْهِمُ الْأُمَمْ وَصَارُوا غُثَاءَ كَغُثَاءِ السَّيْلِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ. أنهم sont beaucoup لكن غُثَاءَ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. Et ils ont plus de valeur, plus personne les craint. قَالَ وَصَارَ هَذَا الْأَصْلِ لَا يُعْرَفْ عِنْدَ أَكْثَرَ مَنْ يَدَّعِ الْعِلْمُ وَالْغَيْرَ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَتَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ وَرَأَى كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الرَّعِيَّةِ نَفْسَهُ أَمِيرًا أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْأَمِيرِ الْمُنَابِذِ لِلْأَمِيرِ. نعم, chacun il veut gouverner, chacun il veut juger, chacun il a ses idées, chacun il veut faire. Et ça nous divise tous. Mais ce amir, même si on n'est pas d'accord sur certaines choses, on patiente. L'essentiel, c'est d'être une umma. Et plus on est rassemblé, plus on aura de la quwwa. Et plus les ennemis de l'islam, ils feront plus de mal à ces musulmans. Lakin, asaf al-an, ils se font du mal entre eux. قَالَ فَالْوَاجِبْ عَلَيْنَا جَمِيعًا رُعَاتًا وَرَعِيَّةً. Aïe, gouverneur et gouverné. Le peuple et le gouverneur. C'est une obligation pour tous. أن نقوم بما أوجب الله علينا من التحاب والتعاون على البر والتقوى والاجتماع على المصالح. Bien sûr, comme on a expliqué dans le deuxième fondement, tout ça sur des preuves, des fondements du Coran et de la Sunna. لنكون من الفائزين وعلينا نجتمع على الحق. هذا إلا ستشاء من عتيم. فالاجتماع إلى على الحق. Et parmi ce حق, c'est d'obéir à ce gouverneur, même s'il fait des erreurs, même s'il est injuste, même s'il a des péchés. من رأى من أميره شيئا فليصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui voit quelque chose, فليصبر. Tu trouveras aucun délil à le Nabi صلى الله عليه وسلم, il appelle à la révolte. معاذ الله. Et en ce din, il appelle au bien et au masalih, et des choses qui profitent pour la umma. Amma ces révoltes, ça profite qu'au kuffar. يتمكنون ثم ربما, ils envahissent ce pays musulman et ils prennent ses richesses. Et il laisse ces musulmans s'entretuer entre eux. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il veut notre khayr. Amma al-kafir, il veut pas ton khayr. قال ونتعاون عليه أي على الحق وأن نخلص في جميع أعمالنا وأن نسعى لهدف واحد هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن. Ça doit être ça l'intention de الجميع. الإصلاح وسنتخدي. Avancer ensemble pour améliorer tout ce qui concerne notre dîn, et notre dîn il est parfait, lakin notre amal, on doit l'améliorer, et كذلك ما يتعلق بالدنيا. ما يمكن ولكن يمكن ذلك ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا. Et parmi la plus grande cause de division, c'est le bid'ah. Enfin, ce qui cause cette division, c'est ahl al-bid'ah. Al-wajib ala al-jami', c'est de revenir au haq, kitab wa sunnah, et de délaisser l'ahwa. Et de respecter l'amir. Inna al-kalimata, idha tafarraqat, والرعية إذا تمردت دخلت الأهواء والضغائن وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته. Si on se divise, فكل واحد يتمرد على الآخر. Et l'injustice, elle va commencer. Les passions errantes. Hada, il veut son indépendance. Hada, il veut faire un parti. Hada, il a des suggestions. Hada, il a des avis. Hada, il a des propositions. Et ça divise tout le monde. Tu peux pas mettre d'accord plus de 30 millions, ou plus de 20 millions, ou plus de 50 millions de personnes sans Amir. Tu peux pas. Kul wahad, il a des idées. Kul wahad, il a des propositions. Al-Amir, s'il est là, il a des propositions, il a des idées. On s'entraide avec lui, on le conseille. Et si tu n'es pas d'accord, tu patientes. Pour préserver l'unité. Mais comment on va faire l'un des millions de personnes et être tous d'accord? Surtout avec le jahl et le bid'a, etc. Et le kuffar, la tadon, annahum, ils aiment leur amir, annahum, ils sont rassemblés là. Là, c'est pour ça qu'ils font tout, eux, pour éviter les révolutions chez eux. Les annahum, ils ont déjà goûté, ils savent. Et ils font tout pour les transmettre aux musulmans. Non, mais eux, dès que ça commence à chauffer un homme, ils font tout pour éteindre. Un homme, ils savent le mal que ça implique. Mais nous, al-ba'd, masakin, il rentre fi hada et il est sadiq, il veut vraiment le changement. Et shaitan, il le gonfle. Et avec le courage qu'il a, ce courage, il est mal placé, Obama, il est capable d'aller jusqu'à la mort. Contrairement au kafir, kafir minhum. Voilà où il sort un jour, deux jours, il arrête. قال وخرجنا عن توجيهات الله تعالى حيث يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. On doit préserver cette ni'ma, l'ijtima, والأمن والأمان. Vivre dans un pays en sécurité, obéir à son amir, patienter s'il y a des injustices, tout ça, c'est une ni'ma qu'il faut préserver. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قَالَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. فَإِذَا عَرَفْتَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا فَإِذَا عَرَفَ C'est un khata, le ta il est zaid. فَإِذَا عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ وَقَامَ بِهِ عَلَى وِفْقِ الْحِكْمَةِ فَإِنَّ الْأُمُورَ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ تَسِيرُ عَلَى أَحْسَنِ نِظَامٍ وَأَكْمَلِهِ فَإِذَا عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ. Si chacun connaît sa place, les droits qu'il a, les devoirs qu'il a, si il y a des injustices, si c'est avec l'ami et les patients. Et s'il peut régler son injustice, il la règle avec l'hikmah. Il la règle avec les méthodes légiférées dans le Coran et dans la sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun il est à sa place, falhamdulillah. Al-umour ça ira très bien. Lakin al-mushkila al-an, anna ba'd al-nas, ils ont du tam' fi dunya. Ba'dhum, bel, ha'oula qui font les révolutions al-an, ils ne sortent pas pour dîn. Ah, peut-être. Est-ce que vous avez déjà vu une manifestation pour appliquer sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou pour propager l'ilm ou pour respecter les savants? Abadan. Bel ha'oula yata'anouna fi ulama al-islam. C'est thouwar. Kadhalik, prends l'exemple de al-mamlaka al-arabiya al-sa'udiya, baladun tayyib, qui applique le sharia wa lillahi al-hamd et qui donne de la valeur aux savants. Falaw tamakkana ha'oula la kharaju alayhim. Et yata'anouna fihim laylan wa nahara. لماذا؟ لأن يد لا جالوزي لأن الله سبحانه وتعالى من عليهم بالدين والدنيا كذلك حقد الكفار toutes ces rumeurs autour de ce pays alors que يحكم بدين بشريعة الله عز وجل. Tout ça, ça te montre qu'en leur but c'est pas le din. Et ils voudraient le din, fait le din, ils disent de patienter. Ils resteraient chez eux. Et ils arrêteraient القلاقل والفوضى. لكن هكذا الأهواء. الأهواء إذا تمكنت ça fait, ça donne ce genre de résultat. أي la division et الخروج على ولي الأمر. هذا أصل مهم. Le troisième, obéir au gouverneur. Bien sûr, هنا c'est résumé. Et celui qui veut plus de détails, enfin, le livre de Shir Abdussalam, rahmatullah alayhi, c'est une référence, il est tayyib. Et كذلك, nous savons, les imams de l'islam, ils ont des rasa'il, des cours, des audios fi hada. Et كذلك revenir à kitab al-imara li min sahih muslim, chapitre al-imara, il a cité un chapitre fi hada et il cite beaucoup de adilla. كذلك sahih al-bukhari, كذلك kutub al-aqida الطحاوية الواسطية tous les livres de l'aqida, ils citent le chapitre obéir au gouverneur. لماذا؟ لأنه c'est un fondement de l'aqida. فالحمد لله celui qui veut الحق الحق il est واضح, أما celui qui veut الهوى فإن se fera du mal, et ربما il est injuste envers ses frères musulmans. صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية والحمد لله رب العالمين.